à Marina Leda de transformer en réalité ce qu'on aimerait pour après-demain. On a transformé Marina Leda, qui était un village complètement mort et au chômage, en un village en plein emploi. We'll be right back. pas de mots.